بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 39 بعد 100. 139 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هل تسويت الصفوف أن يقول صلوا صلاة مودعين؟ Donc il est interrogé, est-ce qu'il était rapporté du messager عليه الصلاة والسلام qu'au moment où il alignait les rangs qu'il disait Faites la salat comme c'était une salat d'adieu. فأجاب رحمه الله تعالى: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للناس صلوا صلاة مودع، بل كان يأمرهم أن يستووا وأن يقيموا صفوفهم ويبين لهم أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Donc il a dit, il n'a jamais été rapporté du Nabi صلى الله عليه وسلم qui disait aux gens faites la salat comme la salat d'adieu. Mais il leur ordonnait de s'aligner, de s'ordonner. Et il leur démontrait que cela faisait partie de la perfection de la salat. Cela complète la salat. On parle de la salat en jama'a. أما صلوا صلاة مودع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورد عن بعض العلماء فيما كتبوا أنه ينبغي للإنسان أن يتقن صلاته حتى كأنه يصلي صلاة مودع لأن من يصلي صلاة مودع فسوف يتقنها إذ إنه لا يدري هل يعود للصلاة مرة أخرى أو لا يعود. Donc il a dit, le fait de dire faites la salat comme une salat d'adieu, cela n'est pas venu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, certains ulama, dans ce qu'ils ont écrit, ont dit qu'il convient à la personne de perfectionner sa salat, comme si il allait faire sa dernière salat, salat d'adieu en fait. Car celui qui fait une salat de la sorte, comme si c'était sa dernière salat, comme s'il allait mourir par la suite, d'accord, s'il ne sait pas s'il va vivre encore par la suite, il est certain qu'il la fera du mieux possible. Il la fera du mieux possible. Donc c'est en fait c'est un conseil des ulama et ce n'est pas un hadith. Et ni même un kalam des salafs, des sahaba. أما أن يقولها الإمام فهذه من البدع وننصح الإمام ونقول لا تقولها بعد هذا اليوم. Mais quand on fait que c'est l'imam qui dit cela au moment où il fait l'alignement des rangs, on dit que cela fait partie des innovations. Donc on conseille cet imam de ne pas dire cela à partir de ce jour. Celui qui avait l'habitude de dire cela, qui délaisse cette habitude, car celle-ci est une bid'a. Non. ثم قال في السؤال الثاني واربعين بعد المئة 142e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ فيه واحد من الأئمة عند قراءته الفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول اهدنا فما حكم الصلاة خلف هذا. Donc il a dit, il est interrogé à propos d'un imam qui préside la salat et parfois dans la fatiha il dit اهدنا, ce qui est correct, et des fois il dit اهدنا, et cela sont deux choses différentes. اهدنا c'est le fi'l, c'est le impératif, le amr de hada yahdi, qui est le fait de guider, et ahdina c'est le amr, l'impératif de le fait de donner un cadeau. Min ahda yahdi, donc c'est un autre sens qui n'a rien à voir. L'auteur va le dire. Fa ajaba rahimahu ta'ala fa idha qala ahdina fa salat batila li'anna ahdina ma'naha a'tina hadiya fa yataghayyaru al-ma'na ويجب على هذا الإمام أن يقرأ بقراءة صحيحة فإن لم يمكن فلم يمكن فليضع المكان لغيره. Donc il a dit, si jamais il dit ahdina, donc sa salat elle est invalide, elle est rendue nulle, car ahdina, comme on vient d'expliquer, c'est un sens de faire un cadeau, d'offrir un cadeau, de présenter une offrande à quelqu'un, donc cela change de ma'na, et cela n'est pas valable que pour ce mot là tout mot dans la fatiha qui amène un sens fasid, qui change le ma'na complètement, qui même amène à du kufr, alors la salat, elle vient batila pour cet imam. Et il doit apprendre à rester correctement. Et s'il s'y refuse, il faut le remplacer. Et faire salat derrière lui n'est pas permis, comme le shir lui-même a d'autres fatwas dans lesquelles il le dit. Donc il a dit que cet imam doit apprendre à rester correctement la fatiha. Et s'il ne peut pas le faire, alors qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Car t'as des gens, ils ont des prononciations qui sont mauvaises, ce n'est pas de leur faute. Mais à ce moment-là, il reconnaît la chose et il se désiste. Et il laisse sa place à quelqu'un d'autre qui est plus apte que lui. il s'accroche pas en disant c'est moi l'imam, non c'est moi, c'est non. Si jamais c'est toi l'imam, ta salat elle est bâtie là, et les gens derrière toi n'ont pas le droit de faire la salat. Non. ثم قال في السؤال الثالث وأربعين بعد المئة 143e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى يقول بعض الدعاة إن قضية العقيدة ليست مهمة والمفروض ألا يركز عليها عند الدعوة لأن العقيدة مستقرة في قلوب والتابعة. Donc il est interrogé à propos de certains prédicateurs qui disent que en ce qui concerne la aqida, la croyance, ce n'est pas une chose qui est importante. Et la base est de ne pas se baser là-dessus lors de la da'wah. Car la base à croyance est ancrée dans les cœurs. Et elle suit. Elle est ancrée dans les cœurs de base et elle suit. فَأَجَابَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى Il a répondu مِنَ الْمَعْلُومَ مَنَ الْعَقِيدَةَ هِيَا الْأَسَاسِ وَأَنَّهُ لَبُدَّ أَن تُصَحَّحَ الْعَقِيدَةَ قَبْلِ كُلِّ شَيْءٍ Donc il a dit, ce qui est connu, c'est que l'aqida, c'est elle la base de tout, justement. Et il est obligatoire de la rectifier, de la corriger, avant toute chose. فَإِذَا كُنَّا فِي مَكَانِ أَهْلُهُ عَلَى عَقِيدَةٍ سَلِيمَةٍ فَلَا حَجَةَ إِلَى الْكَلَامِ عَلَيْهَا بِلَا شَكٍ لِأَنَّهَا مُسْتَقِرَةٌ وَثَابِتَةٌ Il dit par exemple, si on est dans un lieu où les gens sont une bonne croyance, d'accord, alors il n'est pas besoin d'en parler, sans aucun doute. Car là, elle est présente, ils la connaissent déjà. Bien que faire le rappel de temps à autre, il n'y a pas de mania. Comme dans le Coran, c'est venu. أما إذا كنا في بلد عقيدته مزعزعة أو لديهم من يدعو إلى البدعة فلا بد أن يركز على العقيدة قبل كل شيء. Par contre, si on se trouve en un lieu, une contrée où la croyance justement elle est entachée et elle est corrompue, ou que ces gens-là ont auprès d'eux des prédicateurs qui appellent à l'innovation, alors il est obligatoire de se concentrer sur la aqida justement, avant toute chose. Il faut commencer par cela et insister là-dessus. وقول السائل إن العقيدة تابعة. Et maintenant, il dit, et qu'en est-il de cette parole de dire que la croyance, elle suit. C'est-à-dire, ce n'est pas elle la base, mais elle suit. فقول هذا خطأ بل العقيدة متبوعة وهي الأصل ولا عمل لمن لا عقيدة له. Il a dit ça, c'est une erreur de dire cela, que la aqida est suivie. Mais c'est justement, c'est elle qui est suivie. Car la aqida, c'est elle la base. Et il n'y a aucun acte valable sans une aqida qui soit bonne. Et là, il fait allusion au tawhid. Et souvent, les gens demandent, c'est quoi la différence entre le tawhid et la aqida, par exemple. Le tawhid, c'est ce qui est relatif au droit d'Allah, azawajal. Dans son rububiya, sa seigneurie, et ses actes. Dans son uluhiya, sa divinité. Et dans ses sens sifat. Ça, c'est le tawhid. C'est propre à Allah, Azza wa Jal. Et la aqida, c'est une chose qui est plus large. Elle englobe le tawhid et les choses qui sont liées à l'au-delà, qui se passe après la mort, comme la balance, comme le hisab, le rendu des comptes, comme ce qui se passe dans le kobr, dans le balzar, dans la vie intermédiaire. D'accord? Les choses qui sont liées à l'invisible. C'est plus large. La aqida est une chose qui est plus large. Et quelqu'un qui a une aqida qui est mauvaise peut tomber soit dans la bid'a, ou même dans le kufr, ça dépend quelle est sa croyance. Donc, l'essentiel, et la première chose par laquelle on débute, et comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tawhid, et qui va de soi avec la aqidah. Naam, hadha ladhi khana al-yawm min hadhihi al-as'ila, wa alhamdulillahi rabbil alamin.